Guy de Maupassant, au soleil. En Bretagne, juillet 1882. Voici la saison des voyages, la saison claire où l'on aime les horizons nouveaux, les vastes étendues de mer bleue où se repose l'œil, où se calme l'esprit, les vallons boisés et frais où parfois le cœur s'attendrit sans qu'on sache pourquoi, quand on s'assied, au soir tombant, sur un talus de route en velours vert et qu'on regarde à ses pieds un peu d'eau brune et dormante où se mire le soleil couchant au fond de l'ornière creusée par des roues de charrette. J'aime à la folie ces marches dans un monde qu'on croit découvrir, les éléments subis devant des mœurs qu'on ne soupçonnait point, cette constante tension de l'intérêt, cette joie des yeux, cet éveil sans fin de la pensée. Mais une chose, une seule, me gâte ces explorations charmantes, la lecture des guides. Écrit par des commis voyageurs en kilomètres, avec des descriptions odieuses et toujours fausses, des renseignements invariablement erronés, des indications de chemin purement fantaisistes, ils sont, sauf un seul, un guide allemand excellent, la consolation de bonnetiers voyageant en train de plaisir et visitant la contrée dans le Johann, et le désespoir des vrais routiers qui vont sac à dos, canne à la main, par les sentiers, par les ravins, le long des plages. Ils mentent, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils enlaidissent par leur prose emphatique et stupide les plus ravissants pays. Ils ne connaissent que les grandes routes et ne valent guère moins cependant que la carte dite d'état-major, où les barrages de la Seine, faits depuis 30 ans bientôt, ne sont point encore indiqués. Et cependant, comme on aime, en voyageant, connaître un peu d'avance la région où l'on s'aventure. Comme on est heureux quand on trouve un livre où quelque vagabond sincère a jeté quelques-unes de ses visions. Ce n'est là qu'une présentation qui vous prépare seulement à connaître les lieux. Parfois, c'est plus. Quand on s'enfonce en Algérie jusqu'à l'oasis de la Gouate, il faut lire chaque jour, à chaque heure du voyage, l'admirable livre de Fromentin, « Un été dans le Sahara ». Celui-là vous ouvre les yeux et l'esprit. Il éclaire encore, semble-t-il, ses plaines, ses montagnes, ses solitudes brûlantes. Il vous révèle l'âme du désert. Il est partout en France des coins presque inconnus et charmants. Sans avoir la prétention de faire un guide nouveau, je voudrais de temps en temps indiquer seulement quelques courtes excursions, des voyages de 10 ou 15 jours, accomplis par tous les marcheurs, mais ignorés de tous les sédentaires. Ne suivre jamais les grandes routes et toujours les sentiers, coucher dans les granges quand on ne rencontre point d'auberge, manger du pain et boire de l'eau quand les vivres sont introuvables, et ne craindre ni la pluie, ni les distances, ni les longues heures de marche régulières. Voilà ce qu'il faut pour parcourir et pénétrer un pays jusqu'au cœur, pour découvrir, tout près des villes où passent les touristes, 1000 choses qu'on ne soupçonnait pas. Entre toutes les vieilles provinces de France, la Bretagne est une des plus curieuses. On en peut, en 10 jours, connaître assez pour en savoir le tempérament. Car chaque pays, comme chaque homme, a le sien. Traversons-la en quelques lignes. Allons seulement de Vannes à Douarnenez, en suivant la côte, la vraie côte bretonne, solitaire et basse, semée d'écueils, où le flot gronde toujours et semble répondre au sifflement du vent dans la lande. Le Morbihan, espèce de mer intérieure, qui monte et descend sous la pression des marées du grand océan, s'étend devant le port de Vannes. Il le faut traverser pour gagner le large. Il est plein d'îles druidiques, mystérieuses, hantées. elles portent au dos des tumulus, des menhirs, des dolmens, toutes ces pierres étranges qui furent presque des dieux. Ces îlots, au dire des Bretons, sont aussi nombreux que les jours de l'année. Le Morbihan est une mer symbolique, secouée par les superstitions. Et voilà le grand charme de cette contrée. Elle est la nourrice des légendes. Mortes partout, les vieilles croyances demeurent enracinées dans ce sol de granit. Les vieilles histoires aussi sont indestructibles dans ce pays. Et le paysan vous parle des aventures accomplies 15 siècles plus tôt, comme si elles dataient d'hier, comme si son père ou son grand-père les avait vues. Il est des souterrains où les morts restent intacts, comme au jour où l'immobilité les frappa, séchés seulement, parce que la source du sang est tarie. Ainsi, les souvenirs vivent éternellement dans ce coin de France, les souvenirs et même les manières de penser des aïeux. J'avais quitté Vannes le jour même de mon arrivée pour aller visiter un château historique, Sud-Signaux, et de là gagner Locmariaquer, puis Carnac, et suivant la côte, Pont-l'Abbé, Penmarc, la pointe du Raz, Douarnenez. Le chemin longeait d'abord le Morbihan, puis prenait à travers une lande illimitée, entrecoupée de fossés pleins d'eau, et sans une maison, sans un arbre, sans un être, toute peuplée d'ajoncs qui frémissaient et sifflaient sous un vent furieux, emportant à travers le ciel des nuages déchiquetés qui semblaient gémir. Je traversai plus loin un petit hameau où rôdaient, pieds nus, trois paysans sordides et une grande fille de 20 ans, dont les mollets étaient noirs de fumier. Et de nouveau ce fut la lande, déserte, nue, marécageuse, allant se perdre dans l'océan, dont la ligne grise, éclairée parfois par des lueurs d'écume, s'allongeait là-bas au-dessus de l'horizon. Et au milieu de cette étendue sauvage, une haute ruine s'élevait. Un château carré, flanqué de tours, debout, là, tout seul, entre ces deux déserts, la lande et la mer. Ce vieux manoir de Sucignaux, qui date du XIIIe siècle, est illustre. C'est là que naquit ce grand connétable de Richemont qui reprit la France aux Anglais. Plus de portes. J'entrai dans la vaste cour solitaire où les tourelles écroulées font des amoncellements de pierres. Et, gravissant des restes d'escaliers, escaladant les murailles éventrées, m'accrochant aux lierres, aux quartiers de granit à moitié descellés, à tout ce qui tombait sous ma main, je parvins au sommet d'une tour d'où je regardais la Bretagne. En face de moi, derrière un morceau de plaine inculte, l'océan, sale et grondant sous un ciel noir. Puis, partout, la lande. Là-bas, à droite, la mer du Morbihan, avec ses rives déchirées. Et plus loin, à peine visible, une terre blanche illuminée, Vannes, qu'éclairait un rayon de soleil, glissé on ne sait comment, entre deux nuages. Puis encore très loin, un cap démesuré, Quiberon. Et tout cela, triste, mélancolique, navrant. Le vent pleurait en parcourant ces espaces mornes. J'étais bien dans le vieux pays hanté. Et dans ces murs, dans ces ajoncs ras et sifflants, dans ces fossés où l'eau croupit, je sentais rôder des légendes. Le lendemain, je traversai Saint-Gildas, où semble errer le spectre d'Abélard. À Port-Navalo, le marin qui me fit passer le détroit me parla de son père, un chouan, de son frère aîné, un chouan, et de son oncle, le curé, encore un chouan, morts tous les trois. Et sa main étendue montrait Quiberon. À Locmariaquer, j'entrai dans la partie des druides. Un breton me montra la table de César, un monstre de granit soulevé par des colosses. Puis il me parla de César comme d'un ancien qui l'aurait vu. Enfin, suivant toujours la côte entre la lande et l'océan, vers le soir, du sommet d'un tumulus, j'aperçus devant moi les champs de pierre de Carnac. Elles semblent vivantes, ces pierres alignées interminablement, géantes ou toutes petites, carrées, longues, plates, avec des aspects de grands corps minces ou ventrus. Quand on les regarde longtemps, on les voit remuer, se pencher, vivre. On se perd au milieu d'elles. Un mur, parfois, interrompt cette foule de granit. On le franchit, et l'étrange peuple recommence, planté comme des avenues, espacé comme des soldats, effrayant comme des apparitions. Et le cœur vous bat, l'esprit malgré vous s'exalte, remonte les âges, se perd dans les superstitieuses croyances. Comme je restais immobile, stupéfait et ravi, un bruit subit derrière moi me donna une telle secousse que je me retournai d'un bond. Et un vieux monsieur vêtu de noir, avec un livre sous le bras, m'ayant salué, me dit « Ainsi, monsieur, vous visitez notre Carnac. » Je lui racontai mon enthousiasme et la frayeur qu'il m'avait faite. Il continua « Ici, monsieur, il y a dans l'air tant de légendes que tout le monde a peur sans savoir de quoi. Voilà 5 ans que je fais des fouilles sous ces pierres. Elles ont presque toutes un secret. Et je m'imagine parfois qu'elles ont une âme. Quand je remets les pieds au boulevard, je souris là-bas de ma bêtise. Mais quand je reviens à Carnac, je suis croyant, croyant inconscient. Sans religion précise, mais les ayant toutes. » Et frappant du pied, « Ceci est une terre de religion. Il ne faut jamais plaisanter avec les croyances éteintes, car rien ne meurt. Nous sommes, monsieur, chez les druides. Respectons leur foi. » Le soleil, disparu dans la mer, avait laissé le ciel tout rouge, et cette lueur saignait aussi sur les grandes pierres, nos voisines. Le vieux sourit. Figurez-vous que ces terribles croyances ont en ce lieu tant de force que j'ai eu, ici même, une vision. Que dis-je? Une apparition véritable. Là, sur ce dolmen, un soir, à 7 heures, j'ai aperçu distinctement l'enchanteresse Corydwen, qui faisait bouillir l'eau miraculeuse. Je l'arrêtai, ignorant quelle était l'enchanteresse Corydwen. Il fut révolté. « Comment? Vous ne connaissez pas la femme du dieu U et la mère des Korrigans ?»« Non, je l'avoue. Si c'est une légende, contez-la moi. » Je m'assis sur un menhir à son côté. Il parla. « Le dieu U, père des druides, avait pour épouse l'enchanteresse Corydwen. Elle lui donna 3 enfants. Morvro, Kreisviu, une fille, la plus belle du monde, et Aravik Du, le plus affreux des êtres. Corydwen, dans son amour maternel, voulut au moins laisser quelque chose à ce fils si disgracié, et elle résolut de lui faire boire l'eau de la divination. Cette eau devait bouillir pendant 1 an. L'enchanteresse confia la garde du vase qui la contenait à un aveugle nommé Morda et au nain Yu. L'année allait expirer quand les 2 veilleurs, se relâchant de leurs ailes, un peu de la liqueur sacrée se répandit, et 3 gouttes tombèrent sur le doigt du nain, qui, le portant à sa bouche, connut tout à coup l'avenir. Le vase aussitôt se brisa de lui-même, et Corydwen, apparaissant, se précipita sur Gyu, qui s'enfuit. Comme il allait être atteint, pour courir plus vite, il se changea en lièvre. Mais aussitôt, l'enchanteresse, devenant lévrier, s'élança derrière lui. Elle allait le saisir sur le bord d'un fleuve, mais, prenant subitement la forme d'un poisson, il se précipita dans le courant. Alors, une loutre énorme surgit, qui le poursuivit de si près qu'il ne put échapper qu'en devenant oiseau. Or, un grand épervier descendit du fond du ciel, les ailes étendues, le bec ouvert. C'était toujours Corydwen. Et Gyu, frissonnant de peur, se changeant en grain de blé, se laissa choir sur un tas de froment. Alors, une grosse poule noire, accourant, l'avala. Corydwen, vengée, se reposait, quand elle s'aperçut qu'elle allait être mère de nouveau. Le grain de blé avait germé en elle, et un enfant naquit, que U abandonna sur l'eau dans un berceau d'osier. Mais l'enfant, sauvé par le fils du roi Guidno, devint un génie, l'esprit de la lande, le Corrigan. C'est donc de Corridwen que naquirent tous les petits êtres fantastiques, les nains, les follets qui hantent ces pierres. Ils vivent là-dessous, dit-on, dans des trous, et sortent au soir pour courir à travers les ajoncs. Restez ici longtemps, monsieur, au milieu de ces monuments enchantés. Regardez fixement quelques domaines couchés sur le sol, et vous entendrez bientôt la terre frissonner. Vous verrez la pierre remuer. Vous tremblerez de peur en apercevant la tête d'un Corrigan qui vous regarde en soulevant du front le bloc de granit posé sur lui. Maintenant, allons dîner. La nuit était venue, sans lune, toute noire, pleine des rumeurs du vent. Les mains étendues, je marchais en heurtant les grandes pierres dressées. Et ce récit, le pays, mes pensées, tout avait pris un ton tellement surnaturel que je n'aurais point été surpris de sentir tout à coup un Corrigan courir entre mes jambes. Le lendemain, je me remis en route, traversant des landes, des villages, des villes, l'Orient, Quimperlé, si joli dans son vallon, Quimper. La grande route part de Quimper, monte une côte, coupe des vallées, passe une sorte de lac herbeux et morne, et pénètre enfin dans Pont-l'Abbé, la petite cité la plus bretonne de toute cette Bretagne bretonnante, qui va du Morbihan à la pointe du Raz. À l'entrée, un vieux château, flanqué de tours, mouille le pied de ses murs dans un étang triste, avec des vols d'oiseaux sauvages. Une rivière sort de là, que les caboteurs peuvent remonter jusqu'à la ville. Et dans les rues étroites, aux maisons séculaires, les hommes portent le chapeau aux bords immenses, le gilet brodé magnifiquement et les quatre vestes superposées. La première, grande comme la main, couvrant au plus les omoplates, et la dernière s'arrêtant juste au-dessus du fond de culotte. Les filles, grandes, belles, fraîches, ont la poitrine écrasée dans un gilet de drap qui forme cuirasse, les étreint, ne laissant même pas deviner leur gorge puissante et martyrisée. Et elles sont coiffées d'une étrange façon. Sur les tempes, deux plaques brodées en couleur encadrent le visage, serrent les cheveux qui tombent en nappe, puis remontent se tasser au sommet du crâne sous un singulier bonnet, tissu souvent d'or et d'argent. Et la route sort de nouveau de cette petite cité du Moyen-Âge, oubliée là. Elle s'avance à travers la lande piquée d'ajoncs. De temps en temps, trois ou quatre vaches paissent le long du chemin, toujours accompagnées d'un mouton. Pendant plusieurs jours, on se demande pourquoi on ne voit jamais de vaches sans un mouton. Cette question vous tracasse, vous harcèle, et devient une obsession. On cherche alors un homme près de qui s'informer. On le trouve non sans peine, car souvent pendant une semaine entière, en rôdant par les villages, on ne rencontre personne qui sache un mot de français. Enfin, quelques curés, qui lit son bréviaire en marchant à pas mesurés, vous apprend avec politesse que ce mouton constitue la part du loup. Un mouton vaut moins qu'une vache, et comme sa prise n'offre aucun danger, le loup toujours le préfère. Mais il arrive souvent que les vaillantes petites vaches forment un bataillon carré pour défendre leurs innocents camarades et reçoivent au bout de leurs cornes affilées la bête hurlante en quête de chair vive. Le loup. Là aussi on le retrouve, ce loup légendaire qui terrifia notre enfance. Le loup blanc, le grand loup blanc que tous les chasseurs ont vu et que personne n'a jamais tué. Jamais on ne l'aperçoit au matin. C'est vers 5 heures en hiver, au moment où le soleil se couche, qu'il apparaît, filant sur une cime dénudée, traînant sur le ciel sa longue silhouette qui passe et fuit. Pourquoi personne ne l'a-t-il tué? Ah, voilà. Une supposition, cependant. Les forts déjeuners de chasse commencent toujours vers 1h et finissent à 4. On a beaucoup bu et parlé du loup blanc. En sortant de table, on le voit. Quoi d'étonnant aussi à ce qu'on ne le tue pas. J'allais devant moi sur la route grise ferrée de granit et luisante quand brille le soleil. La plaine des deux côtés est plate, semée d'ajoncs. De place en place, une grosse pierre couchée entretient dans la pensée le constant souvenir des druides. Et le vent qui souffle au ras de terre siffle dans les buissons épineux. Parfois un bruit sourd, comme un coup de canon lointain, fait frémir le sol. Car j'approche de Penmark, où la mer s'enfonce, paraît-il, en des cavernes sonores. Les lames engouffrées dans ses trous secouent la côte entière, se font entendre jusqu'à Quimper par les jours de tempête. Depuis longtemps déjà, on aperçoit la grande ligne des flots gris qui semble dominer toute cette campagne nue et basse. Crevant partout la vague, des rochers, des troupeaux d'écueils pointus montrent leurs têtes noires, cerclées d'écume, comme si elles bavaient. Et là-bas, contre l'eau, quelques maisons frileuses cherchent à se cacher derrière de petits tas de pierres pour éviter l'éternel ouragan du large et la pluie salée de l'océan. Un grand phare, qui tremble sur sa base de rochers, s'avance jusqu'à la vague. Et les gardiens racontent que parfois, dans les nuits de tourmente, la longue colonne de granit tangue comme un navire et que l'horloge s'abat face contre terre et que les objets accrochés au mur se détachent, tombent et se brisent. Depuis ce lieu jusqu'au Conquet, c'est le pays des naufrages. C'est là que semble embusquer la mort, la hideuse mort de la mer, la noyade. Aucune côte n'est plus dangereuse, plus redoutée, plus mangeuse d'hommes. Au fond des petites maisons basses des pêcheurs, on voit grouiller dans la fange, avec les porcs, une vieille femme, deux grandes filles aux jambes nues et sales, et les fils, dont le plus âgé marque 30 ans. Presque jamais on ne trouve le père, rarement l'aîné. Ne demandez pas où ils sont, car la vieille tendrait la main vers l'horizon bondissant et soulevé, qui semble toujours prêt à se ruer sur ce pays. Ce n'est pas seulement la mer perfide qui les dévore ainsi, ces hommes. Elle a un allié tout-puissant, plus perfide encore, et qui l'aide chaque nuit en ses gloutonneries de chair humaine. L'alcool. Les pêcheurs le savent, et l'avouent. Quand la bouteille est pleine, disent-ils, on voit l'écueil, mais quand la bouteille est vide, on ne le voit plus. La plage de Penmark fait peur. C'est bien ici que les naufrageurs devaient attirer les vaisseaux perdus, en attachant aux cornes d'une vache, dont la patte était entravée pour qu'elle boitât, la lanterne trompeuse qui simulait un autre navire. Voici, un peu à droite, une roche devenue célèbre par un horrible drame. La femme d'un des derniers préfets du Morbihan était assise sur cette pierre, ayant sur ses genoux sa petite fille. La mer, à quelques mètres sous elle, semblait calme, inoffensive, endormie. Soudain, un de ces flots singuliers, qu'on appelle des vagues sourdes, monta, venu sans bruit, le dos gonflé, irrésistible, et, escaladant la roche, comme un malfaiteur furtif, il emporta les deux femmes qu'il engloutit en un moment. Des douaniers qui passaient au loin ne virent plus qu'une ombrelle rose flottant doucement sur la mer recalmée et la grande roche nue, ruisselante. Pendant un an, les avocats et les médecins discutèrent, arguèrent, plaidèrent pour savoir laquelle, de la mère ou de l'enfant emportée dans le même flot, était morte la première. On noya des chattes avec leurs petits, des chiennes avec leurs toutous, des lapines avec leurs lapereaux, afin qu'aucun doute ne subsistât, car une grosse question d'héritage en dépendait. La fortune devant aller à l'une ou à l'autre famille, suivant que la dernière convulsion avait dû être plus persistante dans le petit corps ou dans le grand. Presque en face de ce lieu sinistre se dresse un calvaire de granit, comme on en voit partout en ce pays pieux, où les croix, si vieilles elles-mêmes, sont aussi nombreuses que les dolmens leurs aînés. Mais ce calvaire s'élève au-dessus d'un bas-relief étrange, représentant d'une façon grossière et comique l'accouchement de la Vierge Marie. Un Anglais, en passant, admira la sculpture naïve et la fit recouvrir d'un toit afin de la préserver des atteintes de ce climat sauvage. Et nous suivons la plage, l'interminable plage, tout le long de la baie d'Audierne. Il faut passer à gué ou à la nage deux petites rivières, peiner dans le sable ou sur la poussière de varech, aller toujours entre ces deux solitudes, l'une remuante, l'autre immobile, la mer et la lande. Voici Audierne, triste petit port, qu'anime seulement l'entrée et la sortie des barques à l'empêcher la sardine. Avant de partir, au matin, on goûte, au lieu du vulgaire café au lait, quelques-uns de ces petits poissons frais, poudrés de sel, savoureux, parfumés, vraies violettes des flots. Et on repart vers la pointe du Raz, cette fin du monde, ce bout de l'Europe. On monte toujours, et soudain, on aperçoit deux mers, à gauche l'océan, à droite la Manche. C'est là qu'elles se rencontrent, qu'elles se battent sans cesse, heurtant leurs courants et leurs vagues toujours furieuses, chavirant les navires et les avalant comme des dragées. Ô flots, que vous savez de lugubres histoires, flots profonds redoutés des mers à genoux. Plus d'arbres, plus rien que des touffes de gazon sur le grand cap qui s'avance. Tout au bout, deux phares, et partout au loin, d'autres phares piqués sur des écueils. Il en est un qu'on essaie en vain de terminer depuis 10 ans. La mer, acharnée, détruit à mesure qu'il s'accomplit le travail acharné des hommes. Là-bas, en face, l'île de Saint, l'île sacrée, regarde à l'horizon, derrière la rade de Brest, sa dangereuse commère, l'île d'Ouessant. Qui voit Ouessant, voit son sang, disent les matelots. L'île d'Ouessant, la plus inaccessible de toutes, celle que les marins n'abordent qu'en tremblant. Le haut promontoire se termine soudain, tombe à pic dans cette bataille d'océan. Mais un petit sentier le contourne, rampant sur les granits inclinés, filant sur des crêtes larges comme la main. Soudain, on domine un abîme effrayant, dont les murs, noirs comme s'ils avaient été frottés d'encre, vous renvoient le bruit furieux du combat marin qui se livre sous vous, tout au fond de ce trou qu'on a nommé l'enfer. Bien qu'à 100 mètres au-dessus de la mer, je recevais des crachats d'écume, et, penché sur l'abîme, je contemplais cette fureur de l'eau qui semblait soulevée par une rage inconnue. C'était bien un enfer qu'aucun poète n'avait décrit, et une épouvante m'étreignait à la pensée d'homme précipité là-dedans, roulé, tourné, plongeant dans cette tempête entre 4 murailles de pierre, jeté sur les parois de la montagne, repris par les flots, englouti, reparaissant, bouillonnant pêle-mêle dans les vagues monstrueuses. Et je me remis en route, hanté de ces images et battu par un grand vent qui fouettait le cap solitaire. Au bout de 20 minutes, j'atteignis un petit village. Un vieux prêtre, qui lisait son bréviaire, à l'abri d'un mur de pierre, me salua. Je lui demandai où je pourrais coucher. Il m'offrit l'hospitalité. 1 heure plus tard, assis tous deux devant sa porte, nous parlions de ce pays désolé qui saisit l'âme, quand un petit Breton, un enfant, passa devant nous, nu-pieds, secouant au vent ses longs cheveux blonds. Le curé l'appela dans sa langue maternelle, et le gamin s'en vint, devenu timide tout à coup, les yeux baissés et les mains inertes. « Il va vous réciter son cantique, » me dit le prêtre. « C'est un gaillard doué d'une grande mémoire et dont j'espère tirer quelque chose. » et l'enfant se mit à bredouiller des paroles inconnues, sur ce ton geignant des petites filles qui répètent leurs fables. Il allait, sans point ni virgule, déroulant les syllabes, comme si le morceau tout entier n'eût formé qu'un mot, s'arrêtant une seconde pour respirer, puis reprenant son chuchotement précipité. Tout à coup, il se tut. C'était fini. Le curé lui caressa la joue d'une petite tape. « C'est bien, va-t'en. » Et le polisson se sauva. Alors mon hôte ajouta, « Il vient de vous dire un vieux cantique de ce pays-ci. » Je répondis, « Un vieux cantique? Est-il connu ?»« Oh, pas du tout, je vais vous le traduire si vous voulez. » Alors le vieillard, d'une voix forte, s'animant comme s'il eût prêché, levant le bras d'un geste menaçant et enflant les mots, déclama ce naïf et superbe cantique dont j'ai voulu écrire les paroles sous sa dictée. Cantique breton. L'enfer, l'enfer, savez-vous ce que c'est, pêcheur? C'est une fournaise où rugit la flamme, une fournaise près de laquelle le feu d'une forge refermée, le feu qui a rougi les dalles d'un four, n'est que fumée. Là, jamais on aperçoit de la lumière. Le feu brûle comme la fièvre sans qu'on le voie. Là, jamais n'entre l'espérance, car la colère de Dieu a scellé la porte. Du feu sur vos têtes, du feu autour de vous. Vous avez faim? Mangez du feu. Vous avez soif? Buvez à cette rivière de soufre et de fer fondu. Vous pleurerez pendant l'éternité. Vos pleurs feront une mer. Et cette mer ne sera pas une goutte d'eau pour l'enfer. Vos larmes entretiendront les flammes, loin de les éteindre, et vous entendrez la moelle bouillir dans vos os. Et puis on coupera vos têtes de dessus vos épaules, et pourtant vous vivrez. Les démons se les jetteront l'un à l'autre, et pourtant vous vivrez. Ils rôtiront votre chair sur les brasiers, vous sentirez votre chair devenir du charbon, et pourtant vous vivrez. Et là, il y aura encore d'autres douleurs. Vous entendrez des reproches, des malédictions et des blasphèmes. Le père dira à son fils, « Sois maudit, fils de ma chair, car c'est pour toi que j'ai voulu amasser des biens par la rapine. » Et le fils répondra, « Maudit, maudit sois-tu, mon père, car c'est toi qui m'as donné mon orgueil et qui m'as conduit ici. » Et la fille dira à sa mère, « Mille malheurs à vous, ma mère, mille malheurs à vous, caverne d'impureté, car vous m'avez laissé libre et j'ai quitté Dieu. » Et la mère ne reconnaîtra plus ses enfants, et elle répondra, « Malédiction sur mes filles et sur mes fils, malédiction sur les fils de mes filles et sur les filles de mes fils. » Et ces cris retentiront pendant l'éternité, et ces souffrances seront toujours. Et ce feu, c'est la colère de Dieu qui l'a allumé, ce feu. Il brûlera toujours, sans languir, sans fumer, sans pénétrer moins profondément vos os. L'éternité. Malheur. Ne jamais cesser de mourir. Ne jamais cesser de se noyer dans un océan de souffrance. Oh, jamais. Tu es un mot plus grand que la mer. Oh, jamais. Tu es plein de cris, de larmes et de rage. Jamais. Oh, tu es rigoureux. Oh, tu fais peur. Et quand le prêtre eut terminé, il me dit « N'est-ce pas que c'est terrible ?» Là-bas, nous entendions la vague infatigable s'acharnant sur la sinistre falaise. Je revoyais ce trou plein d'écume furieuse, lugubre et hurlant, vrai séjour de la mort. Et quelque chose de l'effroi mystique qui fait trembler les dévots repentants pesait sur mon cœur. Je repartis au soleil levant, comptant atteindre Douarnenez avant la nuit. Un homme qui parlait français, ayant navigué 14 ans sur les navires de l'État, m'aborda, comme je cherchais le sentier douanier, et nous descendîmes ensemble vers la baie des Trépassés, dont la pointe du Raz forme un des bords. C'est un immense cirque de sable, d'une inoubliable mélancolie, d'une tristesse inquiétante, donnant, au bout de quelque temps, l'envie de partir, d'aller plus loin. Une vallée nue avec un étang lugubre, sans grands ajoncs, un étang qui paraît mort, aboutit à cette grève effrayante. Cela semble bien une antichambre du séjour infernal. Le sable jaune, triste et plat, s'étend jusqu'à un énorme cap de granit qui fait face à la pointe du Raz et où les flots acharnés se brisent. De loin, nous apercevions trois hommes immobiles piqués comme des pieux sur le sable. Mon compagnon parut étonné, car jamais on ne vient dans cette crique désolée. Mais, en approchant, nous aperçûmes quelque chose de long, étendu près d'eux, comme enfoui dans la grève. Et parfois, il se penchait, touchait cela, se relevait. C'était un mort, un noyé, un matelot de Douarnenez, perdu la semaine précédente avec ses quatre camarades. Depuis 8 jours, on les attendait en ce lieu où le courant rejette les cadavres. Il était le premier venu à ce dernier rendez-vous. Mais autre chose préoccupait mon guide, car les noyés en ce pays ne sont pas rares. Il m'emmena vers le triste étang, et, me faisant pencher sur l'eau, il me montra les murs de la ville d'Is. C'étaient quelques maçonneries antiques, à peine visibles. Puis j'allai boire à la source un tout mince filet d'eau, la meilleure de toute la contrée, disait-il. Puis il me conta l'histoire de la cité disparue, comme si l'événement était proche encore, accompli tout au plus sous les yeux de son grand-père. Un roi, faible et bon, avait une fille, perverse et belle, si belle que tous les hommes devenaient fous en la voyant, si perverse qu'elle se donnait à tous, puis les faisait tuer, précipités dans la mer du haut des rochers voisins. Ses passions débordées étaient plus violentes, disait-on, que les vagues de l'océan furieux, et surtout plus inapaisables. Son corps semblait un foyer où se brûlaient les âmes que Satan cueillait ensuite. Dieu se lassa, et il prévint de ses projets un vieux saint qui vivait dans le pays. Le saint avertit le roi, qui n'osa pas punir et enfermer sa fille chérie, mais qui l'informa de l'avertissement de Dieu. Elle n'en tint pas compte, et se livra, au contraire, à de tels débordements que la ville entière l'imita, devenue une cité d'amour, dont toute pudeur et toute vertu disparurent. Une nuit, Dieu réveilla le saint pour lui annoncer l'heure de sa vengeance. Le saint courut chez le roi, demeuré seul vertueux en ce pays. Le roi fit seller son cheval, en offrit un autre au saint qui l'accepta. Et, un grand bruit les ayant effrayés, ils aperçurent la mer qui s'en venait par la campagne, bondissante et mugissante. Alors la fille du roi parut à sa fenêtre, criant « Mon père, allez-vous me laisser mourir ?» Et le roi la prit en croupe, puis s'enfuit par une des portes de la ville, alors que les flots entraient par l'autre. Il galopait dans la nuit, mais les vagues aussi couraient avec des grondements et des écroulements terribles. Déjà leur écume rampante atteignait les pieds des chevaux. Et le vieux saint dit au roi « Sire, rejetez votre fille de votre cheval, ou sinon vous êtes perdu. » Et la fille criait « mon père, ne m'abandonnez pas !» Mais le saint se dressa sur ses étriers. Sa voix devint retentissante comme le tonnerre, et il annonça « C'est la volonté de Dieu !» Alors le roi repoussa sa fille qui se cramponnait à lui, et il la précipita derrière son dos. Les vagues aussitôt la saisirent, puis retournèrent en arrière. Et le morne étang qui recouvre ces ruines, c'est l'eau, restée depuis lors sur la ville, impure et détruite. Cette légende est donc une histoire de Sodome arrangée à l'usage des dames. Et l'événement qu'on raconte, comme s'il était d'hier, se passa, paraît-il, au 4e siècle après la venue du Christ. Le soir, j'atteignis Douarnenez. C'est une petite ville de pêcheurs qui serait la plus célèbre station de bain de France si elle était moins isolée. Ce qui en fait le charme et la grâce, c'est son golfe. Elle est assise tout au fond et semble regarder la douce et longue ligne des côtes, onduleuse, arrondie toujours en des courbes charmantes, et dont les crêtes lointaines sont noyées en ces brumes blanches et bleues, légères et transparentes que dégage la mer. Je repartis le lendemain pour Quimper, et le soir je couchais à Brest, pour reprendre au lever du soleil le chemin de fer de Paris. Au Creusot. Le ciel est bleu, tout bleu, plein de soleil. Le train vient de passer Montchanin. Là-bas, devant nous, un nuage s'élève, tout noir, opaque, qui semble monter de la terre, qui obscurcit l'azur clair du jour, un nuage lourd, immobile. C'est la fumée du Creusot. On approche, on distingue. 100 cheminées géantes vomissent dans l'air des serpents de fumée. D'autres, moins hautes et haletantes, crachent des haleines de vapeur. Tout cela se mêle, s'étend, plane, couvre la ville, emplit les rues, cache le ciel, éteint le soleil. Il fait presque sombre maintenant. Une poussière de charbon voltige, pique les yeux, tache la peau, macule le linge. Les maisons sont noires, comme frottées de suie. Les pavés sont noirs, les vitres poudrées de charbon. Une odeur de cheminée, de goudron, de houille flotte, contracte la gorge, oppresse la poitrine, et parfois une âcre saveur de fer, de forge, de métal brûlant, d'enfer ardent, coupe la respiration, vous fait lever les yeux pour chercher l'air pur, l'air libre, l'air sain du grand ciel. Mais on voit planer là-haut le nuage épais et sombre, et miroiter près de soi les facettes menues du charbon qui voltige. C'est le Creusot. Un bruit sourd et continu fait trembler la terre. Un bruit fait de mille bruits, que coupe d'instant en instant un coup formidable, un choc ébranlant la ville entière. Entrons dans l'usine de messieurs Schneider. Quelle féerie ! C'est le royaume du fer où règne sa majesté le feu. Du feu, on en voit partout. Les immenses bâtiments s'alignent à perte de vue, hauts comme des montagnes et pleins jusqu'au faîte de machines qui tournent, tombent, remontent, se croisent, s'agitent, ronflent, sifflent, grincent, crient. Et toutes travaillent du feu. Ici, des brasiers, là, des jets de flammes, plus loin, des blocs de fer ardents, vont, viennent, sortent des fours, entrent dans les engrenages, en ressortent, y rentrent 100 fois, changent de forme, toujours rouges. Les machines voraces mangent ce feu, ce fer éclatant. Le broie, le coupe, le scie, l'aplatissent, le file, le tordent. En font des locomotives, des navires, des canons, 1000 choses diverses, fines comme des ciselures d'artistes, monstrueuses comme des œuvres de géants, et compliquées, délicates, brutales, puissantes. Essayons de voir et de comprendre. Nous entrons, à droite, sous une vaste galerie où fonctionnent 4 énormes machines. Elles vont avec lenteur, remuant leurs roues, leurs pistons, leurs tiges. Que font-elles? Pas autre chose que de souffler de l'air au haut fourneau où bout le métal en fusion. Elles sont les poumons monstrueux des cornues colossales que nous allons voir. Elles respirent, rien de plus. Elles font vivre et digérer les monstres. Et voici les cornues. Elles sont 2. Aux 2 extrémités d'une autre galerie, grosses comme des tours, ventrues, rugissantes et crachant un tel jet de flammes qu'à 100 mètres les yeux sont aveuglés, la peau brûlée, et qu'on halète comme dans une étuve. On dirait un volcan furieux. Le feu qui sort de la bouche est blanc, insoutenable à la vue, et projeté avec tant de force et de bruit que rien n'en peut donner l'idée. Là-dedans, l'acier bout, l'acier bessémère dont on fait les rails. Un homme fort, beau, jeune, grave, coiffé d'un grand feutre noir, regarde attentivement l'effroyable souffle. Il est assis devant une roue, pareille au gouvernail d'un navire, et parfois il la fait tourner à la façon des pilotes. Aussitôt, la colère de la cornue augmente, elle crache un ouragan de flammes. c'est que le chef fondeur vient d'augmenter encore le monstrueux courant d'air qui la traverse. Et, toujours pareil à un capitaine, l'homme, à tout moment, porte à ses yeux une jumelle pour considérer la couleur du feu. Il fait un geste. Un wagonnet s'avance et verse d'autres métaux dans le brasier rugissant. Le fondeur encore consulte les nuances des flammes furieuses, cherchant des indications. Et soudain, tournant une autre roue toute petite, il fait basculer la formidable cuve. Elle se retourne, lentement, crachant jusqu'au toit de la galerie un terrifiant jet d'étincelles. Et elle verse, délicatement, comme un éléphant qui ferait des grâces, quelques gouttes d'un liquide flamboyant dans un vase de fonte qu'on lui tend. Puis elle se redresse en rugissant. Un homme emporte ce feu sorti d'elle. Ce n'est plus maintenant qu'un lingot rouge qu'on dépose sous un marteau mu par la vapeur. Le marteau frappe, écrase, rend mince comme une feuille le métal ardent qu'on refroidit aussitôt dans l'eau. Une pince alors le saisit, le brise, et le contremaître examine le grain avant de donner l'ordre « couler ». La cornue aussitôt se renverse de nouveau, et, comme un valet qui emplirait des verres autour d'une table, elle verse le flot flamboyant d'acier qu'elle porte en ses flancs dans une série de récipients de fonte déposés en rond autour d'elle. Elle semble se déplacer d'une façon naturelle, toute simple, comme si une âme l'animait. Car il suffit pour remuer ces engins fantastiques, pour leur faire accomplir leur œuvre, les faire aller, venir, tomber, se redresser, tourner, pivoter. Il suffit de toucher à des leviers gros comme des cannes, d'appuyer sur des boutons pareils à ceux des sonnettes électriques. Une force, un génie étrange semble planer, qui gouverne les gestes pesants et faciles de ces surprenants appareils. Nous sortons, le visage rôti, les yeux sanglants. Voici deux tours de briques en plein air, trop hautes pour tenir sous un toit. Une chaleur insoutenable s'en dégage. Un homme, armé d'un levier de fer, les frappe aux pieds, fait tomber une sorte d'enduit, creuse plus profondément. Et bientôt apparaît une lueur, un point clair. Deux coups encore, et un ruisseau, un torrent de feu s'élance, suit des canaux creusés dans la terre, va, vient, coule toujours. C'est la fonte brute en fusion. On suffoque devant ce fleuve effrayant, on fuit, on entre dans les hauts bâtiments où sont faites les locomotives et les grandes machines des navires de guerre. On ne distingue plus, on ne sait plus, on perd la tête. C'est un labyrinthe de manivelles, de roues, de courroies, d'engrenages en mouvement. À chaque pas, on se trouve devant un monstre qui travaille du fer rouge ou sombre. Ici, ce sont des scies qui divisent des plaques larges comme le corps. Là, des pointes pénètrent dans des blocs de fonte et les percent, ainsi qu'une aiguille qui entre en du drap. Plus loin, un autre appareil coupe des lamelles d'acier comme des ciseaux feraient d'une feuille de papier. Tout cela marche en même temps, avec des mouvements différents. Peuple fantastique de bêtes méchantes et grondantes. Et toujours on voit du feu sur les marteaux, du feu dans les fours, du feu partout, partout du feu. Et toujours un coup formidable et régulier dominant le tumulte des roues, des chaudières, des enclumes, des mécaniques de toutes sortes, fait trembler le sol. C'est le gros pilon du Creusot qui travaille. Il est au bout d'un immense bâtiment qui en contient 10 ou 12 autres. Tous s'abattent de moment en moment sur un bloc incandescent qui lance une pluie d'étincelles et s'aplatit peu à peu, se roule, prend une forme courbe ou droite ou plate, selon la volonté des hommes. Lui, le gras, il pèse 100 000 kilos et tombe, comme tomberait une montagne, sur un morceau d'acier rouge plus énorme encore que lui. À chaque choc, un ouragan de feu jaillit de tous les côtés. et l'on voit diminuer d'épaisseur la masse que travaille le monstre. Il monte et redescend sans cesse, avec une facilité gracieuse, mû par un homme qui appuie doucement sur un frêle levier. Et il fait penser à ces animaux effroyables, domptés jadis par des enfants, à ce que disent les contes. Et nous entrons dans la galerie des laminoirs. C'est un spectacle plus étrange encore. Des serpents rouges courent par terre, les uns minces comme des ficelles, les autres gros comme des câbles. On dirait ici des vers de terre démesurés, et là-bas des boas effroyables. Car ici, on fait des fils de fer, et là-bas, les rails pour les trains. Des hommes, les yeux couverts d'une toile métallique, les mains, les bras et les jambes enveloppés de cuir, jette dans la bouche des machines l'éternel morceau de fer ardent. La machine le saisit, le tire, l'allonge, le tire encore, le rejette, le reprend, l'amincit toujours. Lui, le fer, il se tortille comme un reptile blessé, semble lutter, mais cède, s'allonge encore, s'allonge toujours, toujours repris et toujours rejeté par la mâchoire d'acier. Voici les rails. Impuissante à résister, la masse rougie, opaque et carrée de Bessemer s'étend sous l'effort des mécaniques et, en quelques secondes, devient un rail. Une scie géante le coupe à sa longueur exacte et d'autres suivent sans fin, sans que rien n'arrête ou ralentisse le formidable travail. Nous sortons enfin, noirs nous-mêmes comme des chauffeurs. Épuisé, la vue éteinte. Et sur nos têtes s'étend le nuage épais de charbon et de fumée qui s'élève jusqu'aux hauteurs du ciel. Oh, quelques fleurs, une prairie, un ruisseau et de l'herbe où se coucher, sans penser et sans autre bruit autour de soi que le glissement de l'eau ou le chant du coq au loin.